9-20, activation orale, pronom accentué. Écoutez et répondez selon l'exemple. Vous entendez ? 1. Georges va faire le portrait suivant. Et vous dites ? C'est à lui. Allons-y, c'est à nous. 2. Tu vas faire le portrait suivant. C'est à toi. 3. Marie-Laure va faire le portrait suivant. C'est à elle. 4. Jean Denis va faire le portrait suivant. C'est à lui. 5. Nous allons faire le portrait suivant. C'est à nous. 6. Mireille et Cécile vont faire le portrait suivant. C'est à elle. 7. Georges et Yvonne vont faire le portrait suivant. C'est à eux. 8. Vous allez faire le portrait suivant ? C'est à vous ? 9. Je vais faire le portrait suivant. C'est à moi.